Toi, Alice, tu te dis un jour, j'ai une idée, après tout ce que j'ai vu, je suis passionnée de cosmétiques, j'ai envie de créer une marque, mais je ne sais pas exactement comment on fait. Et bien dans ce cas-là, moi en fait, je peux tout t'expliquer en quelles vont être les étapes, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, qu'est-ce que tu dois savoir en termes de vocabulaire aussi du côté industrie. C'est vraiment un accompagnement pour créer au mieux sa marque de cosmétiques. Tu as créé ta formation en e-learning. Raconte-nous à qui elle s'adresse. Comment s'est passée la construction de tes formations? Pourquoi le nom ABCG Formation? Bonjour à tous, voici quelques-unes des questions que je vais poser à ma belle invitée Cécile. Bienvenue dans Beauté Imaginée, c'est la 77e interview et j'ai donc le plaisir de recevoir Cécile qui est ingénieure chimiste spécialisée dans les cosmétiques et qui a lancé sa formation en e-learning pour accompagner les porteurs de marques cosmétiques. Bonjour Cécile. Bonjour Alice. Chers auditeurs, moi c'est Alice. Je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Donc j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Cécile, tu es ingénieure chimiste de formation. Tu as travaillé dans plusieurs laboratoires pour des marques de produits cosmétiques et de produits ménagers. Les deux sont souvent liés. Et tu t'es lancée en 2023 dans l'aventure entrepreneuriale en lançant ton propre e-learning pour accompagner les porteurs de projets qui veulent créer leur propre marque. Ton site s'appelle ABCG Formation. Donc, tu vas nous raconter comment tu as créé ton offre et à quels besoins finalement tu essayes de répondre. Et après mon interview, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous fera deviner 4 infos aujourd'hui concernant Cécile. On vous fait deviner l'âge de Cécile, le voyage qui l'a le plus marqué, la saga dont elle est fan et l'émission qu'elle ne rate jamais. Alors déjà, Cécile, est-ce que tu peux commencer peut-être par nous présenter ton parcours ? Oui. Alors, tu as commencé un petit peu déjà à le dire, mais effectivement, de formation, je suis ingénieure chimiste. Et j'ai tout de suite eu la chance de travailler dans le secteur cosmétique, où en fait j'ai intégré une start-up qui était en charge de développer des produits d'origine naturelle, des produits à base de plantes. Et donc bah, j'ai eu la chance d'être responsable de laboratoire tout de suite. Et donc j'ai travaillé plusieurs années dedans. Donc je m'occupais de toute la partie recherche et développement, la formulation même des produits, mais également de la partie réglementation, de la partie qualité, donc vraiment le principe des startups où on touche à plein de choses à la fois. Et suite à ça, je suis devenue responsable de laboratoire dans une TPE de produits détergents. Donc en fait, là, à nouveau, je concevais les produits et je m'occupais de toute la partie technique, mais cette fois-ci, c'était des produits ménagers, donc les produits d'entretien du type lessive, liquide vaisselle, produits pour le sol, produits pour les vitres, etc. Et donc là, la partie recherche et développement, la partie réglementation, la partie qualité. Et en fait, à chaque fois, donc j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais, et j'étais en charge donc de développer des produits pour les marques pour lesquelles je travaillais, mais aussi pour des clients. Et en fait, j'avais un gros rôle d'accompagnement des entrepreneurs, des porteurs de projets ou des chefs de projet, des responsables comme ça, qui arrivaient à moi et qui me disaient, bah voilà, notre projet c'est ça. Est-ce qu'on peut développer les produits ensemble? Et donc, on faisait toute la partie développement, mais je me suis rendu compte que au-delà du développement des produits, en fait, les gens avaient un gros manquement en termes de connaissances. C'est-à-dire que on avait des entreprises qui venaient à nous pour développer une gamme, mais qui n'avaient aucune idée, par exemple, du temps que ça prenait, de quelles étaient les grandes étapes, de ce que la réglementation, la législation leur imposait. Donc, en fait, il y avait un gros travail pour moi de vulgarisation, d'explication, d'accompagnement, et je le faisais avec plaisir, mais c'était au-delà, en fait, de la prestation de laboratoire. Et même une fois les produits commercialisés, ben, en fait, ils revenaient souvent à moi pour me demander de répondre à des questions que leurs clients leur avaient posées parce qu'ils savaient pas y répondre, de les aider sur leur site internet à mettre des choses en avant pour expliquer leurs ingrédients, etc. Et donc, en fait, je me suis dit, il y a vraiment un gros, gros besoin de connaissances et ça se traduit donc déjà par le fait d'être plus expert sur son domaine, bien sûr, mais aussi commercialement, en fait, ça peut les aider pour mieux expliquer aux consommateurs, pour se sentir plus à l'aise, etc. Et donc, c'est là que l'idée d'ABCG Formation est née. C'était que j'ai eu envie, en fait, de transmettre mes connaissances parce que je voyais qu'il y avait un vrai intérêt et une vraie demande. Et donc, j'ai créé donc ABCG Formation, donc, qui est spécialisée dans les formations en ligne pour les marques de cosmétiques, les marques de produits détergents, que ce soit les porteurs de projets qui veulent se lancer ou les marques en croissance qui veulent un peu asseoir leurs connaissances, qui veulent un peu renforcer leur expertise, leur crédibilité. Ça peut à la fois être destiné à la personne qui est au tout début en fait de son projet, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça peut être vraiment les porteurs de projet, c'est-à-dire que là, vous, je sais pas, toi Alice, tu te dis un jour, j'ai une idée après tout ce que j'ai vu, je suis passionnée de cosmétiques, j'ai envie de créer une marque, mais je sais pas exactement comment on fait. Et bien dans ce cas-là, moi en fait, je peux tout expliquer en quelles vont être les étapes, combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter, qu'est-ce que tu dois savoir en termes de vocabulaire aussi du côté industrie. Voilà, c'est vraiment un accompagnement pour créer au mieux sa marque de cosmétiques. Donc, je fais pas la prestation, je suis pas un laboratoire aujourd'hui, donc je crée plus les produits, mais disons que je transmets les connaissances nécessaires pour mener à bien son projet. Et à la fois, ça peut concerner, par exemple, le service commercial, tu le disais, d'une marque déjà bien implantée. Oui, effectivement, j'ai déjà accompagné les équipes commerciales ou marketing parce que le fait d'avoir ces connaissances-là, ça permet de renforcer en fait son discours et de mieux maîtriser les arguments pour mettre en valeur le produit, pour mettre en valeur aussi les tests qui ont été effectués, de savoir ce qu'il y a derrière les tests, comment c'est fait, etc. Donc oui, ça peut être des chefs de projet, des personnes au commerce, au marketing ou à la communication, des community managers qui sont responsables de marques cosmétiques, par exemple. Et donc l'idée, elle s'est construite finalement de créer ton e-learning, cette offre comme ça s'est construit petit à petit ou tu as eu un jour un peu un déclic? C'est intéressant, j'ai eu un peu un déclic grâce à une ancienne collègue en fait, parce que j'ai une ancienne collègue qui travaille dans le milieu de la coiffure et qui m'a demandé est-ce que je pouvais lui conseiller des produits qui étaient bien ou pas. Donc elle m'avait envoyé des compositions d'ingrédients et puis elle me demandait un peu mon avis, etc. Et donc comme c'est quelqu'un que je connais bien, j'avais vraiment pris le temps de bien répondre, de lui expliquer les intérêts, les inconvénients de chacun. Et elle m'avait dit, ah, tu perds pas la main. Faudrait que tu crées quelque chose dans le conseil. Et puis elle m'a lâché ça un peu comme ça, et je me suis dit, oui, c'est vrai qu'en plus j'étais titillée par l'entrepreneuriat depuis un moment déjà. Je savais que j'avais envie d'entreprendre, mais je savais pas dans quoi. Et quand elle m'a dit ça et que bah du coup voilà, je lui avais expliqué des choses et tout, bah c'est vrai que ça a un peu mûri. Et puis j'en ai parlé un peu autour de moi de j'aimerais bien faire quelque chose, mais je sais pas exactement quoi. Et en fait, c'est en repensant à cette anecdote-là que vraiment ça s'est un peu concrétisé dans ma tête, où vraiment l'idée a un peu mûri et a jailli de ce moment-là avec mon ancienne collègue qui m'interrogeait. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, ma plus-value, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est très peu fait aujourd'hui. Et je me suis dit, ah oui, ça, c'est vraiment une bonne idée. C'est pas déjà fait. C'est pas une énième marque. Forcément, j'ai pensé à un moment, est-ce que je créerais pas ma marque à moi? Mais je me suis dit, est-ce que je vais apporter quelque chose en plus? Est-ce que j'ai envie de ça? Enfin, voilà, j'étais pas à 100% convaincue. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est ça, en fait. Moi, j'ai envie d'aider ceux qui ont des projets, j'ai envie d'aider ceux qui ont des grandes idées pour changer le monde de demain. Et bah, je vais les accompagner et je vais faire en sorte qu'on soit encore plus transparent vis-à-vis du consommateur en leur expliquant bien comment les produits sont faits, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça marche, etc. Et faire en sorte que toutes les marques soient en règle parce qu'il y a des petites marques qui savent pas forcément toutes leurs obligations. Donc ça leur permettrait d'être plus sûrs d'un point de vue un peu législatif, forcément les trucs, c'est un peu carré quoi, mais c'est important quoi. Évidemment. Et oui, en termes de sécurité notamment, oui. Et donc, ça t'a quand même titillé à un moment de lancer ta propre marque? Oui, ben j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé à est-ce que je créerais pas ma marque? Est-ce que je créerais pas un laboratoire de développement? Est-ce que plein de choses, mais à chaque fois, j'avais plein d'arguments pour. Mais ça, c'est normal. Hein, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a plein de raisons de dire non, plein de peurs, plein de choses comme ça. Mais oui, c'est vrai que ça m'a titillé un petit peu. Et après, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'un peu lourd. Enfin, j'en ai conscience du coup, puisque je suis dedans depuis longtemps. Et après, je me disais est-ce que c'est facile d'en vivre? Je me posais un peu des questions comme ça. Je savais qu'il y avait la gestion du stock à avoir. Donc, c'était quand même un gros projet. Là où la formation, je pouvais démarrer rapidement avec juste un ordinateur, une caméra, tu vois. C'était quelque chose qui me semblait un peu plus abordable facilement Et je crois que c'est plus ça, tu vois, là d'un coup, les peurs se sont estompées avec cette vision-là. Donc je pense que c'est comme ça que tu te rends compte que tu as trouvé ta voie. C'est quand la mission est plus grande que toi et qu'en fait, ça efface un peu les peurs que tu peux avoir. Parce que tu te dis oui, mais c'est trop bien en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour l'aspect formation, où je me suis dit j'aime trop ça, je le fais déjà depuis pas mal d'années. Et j'ai envie de le faire à temps plein et que ce soit ça ma plus-value et ça mon pourquoi. Là où créer une marque, j'avais pas l'idée du siècle et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de plus que ces gens-là. Alors du coup je me suis dit, bah je laisse ça à ceux qui ont une idée, qui ont un gros projet à défendre, etc. Et moi ça me fait super plaisir de les accompagner. Je leur laisse et moi par contre du coup ma plus-value elle est ailleurs. Justement, comment se passe la construction de tes formations? Il faut savoir que le format, je l'ai dit, il est en e-learning. Ça veut dire que principalement c'est des vidéos qui sont enregistrées. Les vidéos, elles se présentent sous la forme d'une présentation PowerPoint. Alors, je rassure tout de suite, c'est vraiment de manière beaucoup plus accessible que ce qu'on peut voir parfois. C'est-à-dire que c'est vraiment les choses essentielles qui sont notées dessus. Il y a des images, il y a des vidéos, il y a des choses illustratives. Et toujours à l'écran, j'ai ma tête qui est présente. Donc, en fait, je présente la formation en étant avec le support de la présentation PowerPoint, avec toujours moi visible à l'écran parce que je trouve que c'est important d'imager et qu'il y ait un contact humain qui soit gardé. Donc typiquement la formation c'est globalement des vidéos en e-learning où bah, je présente petit à petit tout ce que j'ai à présenter et c'est entrecoupé de quiz pour valider le fait d'avoir bien compris les connaissances, ça amène un petit côté ludique. Pour moi c'était important que des aspects un peu stricts comme la réglementation, la technique, des sujets un peu complexes soient amenés de manière plus ludique. Donc on a des quiz. Et on a aussi des supports à télécharger, donc des PDF avec du coup des ressources supplémentaires, des bonus, des récapitulatifs qui sont à télécharger. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut de différentes manières pour pouvoir apprendre en autonomie. Ça, c'est hyper important. Les gens peuvent le faire le soir, les week-ends, quand ils veulent. C'est l'intérêt du e-learning. Et pour autant, évidemment, je suis très présente, c'est-à-dire que pour toute question, que ce soit par message sur les réseaux sociaux, par email, etc. Les personnes peuvent toujours, toujours me contacter et je réponds à 100% des messages. Et après, j'ai des offres qui incluent des accompagnements personnalisés, où là, c'est inclus dedans. On a des appels inclus, on a des live questions-réponses inclus, etc. pour vraiment être sûr que la personne, bah, elle se sente en sécurité, j'ai envie de dire, et bien accompagnée. Ouais, c'est complet. Moi, personnellement, j'ai pu suivre ta formation Cosméto Décode. Donc, je rejoins ce que tu décris sur le côté ludique et puis plus humanisé en voyant ton visage, c'est vrai, pendant la formation. Et je trouve ça toujours intéressant de, pour reprendre ton terme, vulgariser des idées un peu complexes peut-être. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Je la trouve accessible et instructive, évidemment. C'est quoi ta dernière formation? Alors, bah, c'est un pack de formations en fait. La dernière en date s'appelle Start and Success parce que c'est prévu en fait pour les gens qui veulent se lancer. Et ça inclut un pack de formations dont Cosméto Décode dont tu parlais, où en fait on a dans ce pack de formations la formation Cosméto Décode qui est une formation de 2 heures où le but c'est qu'en 2 heures je vous présente toutes les étapes du développement cosmétique. Donc ça se veut express synthétique. Et le but, c'est de tout parcourir pour savoir quelle est la feuille de route globale, combien de temps vont prendre chaque étape, de découvrir un petit peu déjà à l'avance quelles vont être les obligations, déjà des premières découvertes de mots-clés, etc. Donc ça, c'est en 2 heures, première chose. Ensuite, dans le pack, il y a une masterclass sur comment créer un cahier des charges gagnant. Donc ça, j'explique pourquoi le cahier des charges, c'est quelque chose de très important et comment on le construit, quelles sont toutes les bonnes questions à se poser tout début de son projet. Ensuite, on a un glossaire de mots cosmétiques. Donc, il y a 50 mots de l'industrie qui sont expliqués dans ce pack. Comme ça, donc c'est un gros e-book avec des mots de manière vulgarisée, comme d'habitude, et qui vous permettent en fait d'avoir un petit repère. Si des fois vous avez oublié ce que j'ai dit pendant la formation, bah, vous pouvez vous y référer. Il y a un guide des laboratoires où j'ai travaillé en partenariat avec plusieurs labos, moi des gens de confiance que je connais de ma vie d'avant ou des gens là que je continue de côtoyer. Et donc du coup j'ai fait une petite fiche sur quelques laboratoires qui me semblaient intéressants. Et donc ça permet aux gens qui veulent se lancer de pouvoir contacter en priorité cette piste-là. C'est purement des recommandations, il n'y a aucune obligation. Mais disons que s'ils se posent la question de vers qui se tourner, et ben, au moins, j'ai un guide à leur proposer. Et on a dans cette formation le pack Start and Success. On a inclus deux appels avec moi et un live question-réponse avec tous les participants. Donc, c'est vraiment le but. Moi, je l'appelle le pass VIP vers la réussite cosmétique parce que le but, c'est vraiment de... On prend tout ce qu'il faut pour le départ, de compréhension, de guide, de masterclass, etc. Et après, il n'y a plus qu'à. Et en plus, s'il y a des besoins soit de compréhension, soit d'aide à un peu passer à l'action, je suis là en backup dans les appels ou dans le live. Donc vraiment, c'est le, si vous voulez vous lancer, c'est vraiment l'idéal. Tu réunis aussi les élèves, je ne sais pas comment tu les appelles. Moi aussi, je n'ai pas de nom encore. Est-ce que je dis élève, est-ce que je dis apprenant, est-ce que je dis client, je ne sais pas. Oui, mais effectivement, bah, là du coup, j'ai choisi le mot participant. Quand je présente mon offre, je dis avec tous les participants, toutes les personnes qui ont rejoint le programme. Donc pour l'instant, c'est pas encore planifié parce que l'offre est sortie en janvier, donc j'attends un petit peu avant que y ait plus de gens inscrits et puis qu'il y ait aussi un peu de demande pour dire là il y a suffisamment d'avancées pour avoir des questions parce qu'au tout début on sait pas encore. Donc il faut déjà un peu découvrir pour avoir des questions. Mais oui, c'était une idée que j'avais. Après à voir si je pense que je poserai la question avant le live, est-ce que les gens veulent se présenter entre eux, est-ce que ça peut être sympa de créer une petite communauté ou est-ce que les gens vont vouloir garder un peu d'anonymat parce que ça les arrange ou qu'ils n'ont pas envie de potentiellement voir des peut-être concurrents, je sais pas. Mais je pense que ça pourrait être bien de créer une petite communauté et ça peut être un soutien aussi d'avoir d'autres entrepreneurs au même stade que soi, dans le même domaine que soi. Oui, je trouve aussi, et c'est ce que pense Chris qui dit « c'est intéressant, prévoyez-vous des séquences de regroupement et d'échanges de bonnes pratiques entre les apprenants ?» Oui, bah, j'aimerais bien. C'est pas encore effectif aujourd'hui, mais c'est bien de le souligner. Ouais, je suis d'accord que ce serait bien à mettre en place. C'est vrai que ça rend toujours concret et puis ça rassure aussi de voir sur quelles difficultés, enfin à quelles difficultés d'autres personnes au même stade ou à un stade un peu plus avancé dans le projet ont pu être confrontées. Pourquoi le nom ABCG Formation alors ? Aha ! Alors j'aime bien cette question. Alors, ABCG, ça vient de la contraction de deux choses. La première, c'est ABC. Ça, c'était pour l'aspect apprentissage, partir du début et puis avancer petit à petit. Donc, ABC. Et après, CG, c'est mes initiales. Okay. Donc, j'ai contracté ABCG. C'est en te la posant, j'ai réalisé que G, c'était ton nom de famille et après que C, c'était ton prénom aussi. Donc, oui, très bien. Et donc, le côté complet avec le ABC, ABCD, mais là, finalement, c'est G avec ton nom. Oui, et aussi, version 100% honnête, parce que ABC, c'était déjà pris. Donc, je me suis dit, je vais le faire autrement. Et c'est là où j'ai pensé à la contraction de mes initiales. Et je me suis dit, ah, en plus, c'est sympa, ça personnalise oui. Un petit peu. Oui, totalement. Et quelles sont les valeurs, finalement, de ta formation, de tes formations ? Alors, moi, je considère qu'il y a trois grandes valeurs, un peu piliers. La première, c'est l'ambition. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, moi, j'ai vraiment l'ambition de rendre les gens plus autonomes. Alors, on n'est jamais 100% autonome et il faut pas, dans des milieux comme ça, il faut quand même bien s'entourer d'experts, on est d'accord. Mais j'aspire à ce que la montée en connaissances et en compétences les aide, en fait, un peu à prendre le pouvoir et à mieux maîtriser ce qu'ils font et pas uniquement à s'en remettre 100% à leur prestataire. Donc moi, la notion d'ambition, elle est importante. Justement, j'ai pas choisi de faire de la prestation parce que je voulais pas que les gens soient ultra dépendants. J'ai choisi la formation pour qu'ils puissent, un peu voler de leurs propres ailes. Donc l'ambition, c'est super important pour moi. La deuxième valeur, c'est la pédagogie. Forcément, dans la formation, c'est quelque chose d'important. Et même au quotidien, sur les réseaux sociaux, je suis assez active. Et j'essaye de toujours partager des choses de manière vulgarisée, qui est toujours un petit côté ludique, humoristique dans les posts, que ce soit simple. Et parce que, à nouveau, j'ai conscience que c'est des thèmes, la science, la réglementation, etc. Ça peut être un peu lourd, donc j'essaye de l'amener d'une manière un peu plus originale, un peu plus fun. Et c'est en lien avec mon troisième gros pilier, qui est la bonne humeur. Donc tu me diras si ça ressort dans la formation que tu as suivie, Alice. Mais voilà, j'essaye de le faire de manière un peu sympa, avec le sourire, à pas hésiter à casser un peu les codes en mettant de l'humour. Là où, moi, quand j'ai appris tout ça, c'était quand même très strict. Et c'était des PowerPoint des pavés écrits en noir sur un fond blanc. C'était pas très dynamique, c'était pas très fun, etc. Donc voilà, moi j'ai vraiment voulu apporter une touche un peu plus Pepsi. Ça se voit aussi dans mes couleurs où j'utilise beaucoup de jaune, de rose, etc. Donc voilà, la bonne humeur, c'est quelque chose qui est important. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux, je pense. Ah, jolie phrase. Oui, et je suis d'accord, on peut s'attendre à une approche un peu rébarbative, éventuellement, de tout ce qui est réglementaire, etc. Et là, que ce soit au niveau de la forme ou de ta façon de... Enfin, le fond, forcément, est sérieux, comme tu le disais, mais au niveau de la plateforme que tu utilises, des couleurs, et aussi toi, de ton dynamisme pendant la formation, je suis tout à fait d'accord, ça la rend plus accessible et moins stricte. Donc, c'est vrai que c'est important pour pas que les apprenants décrochent. Et comment tu cherches tes apprenants alors? Oui, et ben ça c'est une bonne question. Alors, il y a des gens qui viennent à moi parce qu'ils me trouvent sur les réseaux sociaux ou qui me voient via mon site internet. Après, c'est aussi, comme je suis en ligne, c'est quand même un canal que j'utilise énormément. Donc moi-même, je trouve les gens grâce aux réseaux sociaux ou voilà, via des il y a des groupes de porteurs de projets ou des incubateurs, ça peut être comme ça. Les salons professionnels, c'est une bonne source aussi de rencontres. Et après, c'est le bouche à oreille. Donc, pour l'instant, voilà, comme tu dis, j'ai créé en 2023. Donc, ça reste encore un petit peu au début. Mais le bouche à oreille commence un petit peu déjà. Les premiers retours des formations arrivent. Et donc, ça, c'est quelque chose que je peux mettre en avant et qui fait que les gens ont plus confiance parce qu'ils ont vu la vie d'autres personnes. Au niveau des compositions naturelles, est-ce que tu as travaillé, tu le disais au départ, dans ce domaine-là? Tu y es sensible, toi, à titre personnel? Oui, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de toujours travailler dans les produits d'origine naturelle. Donc c'est au départ le hasard et après c'est devenu hyper important. Mais c'est sûr que c'est quelque chose auquel je suis sensible. Et même j'ai envie de dire, tu vois, dans le pourquoi tu te lèves chaque matin, bah, quand tu fais des produits d'origine naturelle, c'est déjà quand même une grosse différence dans ta motivation à développer des produits. J'ai eu la chance de travailler toujours pour des produits un peu premium en plus. Donc premium avec... une origine quasi 100% naturelle. Franchement, c'était hyper valorisant pour moi et ça me donnait encore plus envie de travailler là où j'imagine qu'il y en a qui doivent faire des produits hyper discount avec voilà, ils n'ont pas le choix de la composition. Bah, je pense que c'est plus difficile. Donc oui, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et l'écologie de manière générale, c'est quelque chose qui, je pense, par mon métier, qui s'est infusé petit à petit en moi, tu vois. Mais oui, j'y suis devenue très sensible parce que c'était important de choisir ce qu'on s'appliquait sur la peau, les cheveux, etc. en termes de santé. Tout ce qui repart dans l'eau, dans les égouts, ben, en termes d'environnement, ça a un impact aussi. Donc oui, je suis assez sensible aux produits naturels ou bio dans la salle de bain ou dans sa maison, quoi, clairement. Il y a une des informations, par exemple, que tu expliques. C'est la différence entre les ingrédients naturels et les ingrédients d'origine naturelle. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, alors c'est vrai que c'est une confusion que je vois souvent de la part des marques et du coup, je trouve que c'est important de souligner la différence pour être assez clair. Les produits naturels, c'est les produits issus de la nature. Jusque-là, c'est facile. Les produits issus de la nature, c'est par exemple du blé. Et on va considérer que quand il y a une transformation uniquement physique comme un broyage ou une pression, ça reste naturel. Donc, si je prends l'exemple du blé, si je le broie, j'obtiens de la farine. Donc, blé et farine, on est sur des produits naturels. Par contre, dès qu'on va commencer un peu à transformer le produit, mais ça peut être des transformations, par exemple là, si je fais du pain, eh ben le pain, on va considérer qu'il est d'origine naturelle. En fait, dès lors qu'on a une petite transformation chimique, attention, chimique, ça veut pas dire... dangereux, etc. La chimie, elle est dans tous les produits, même les produits naturels ont des réactions chimiques parce qu'ils sont composés de molécules. C'est vrai qu'on a un peu, dans les médias, etc., on a mis le mot chimie comme un mot dangereux, mais en fait, la chimie, elle est absolument dans tous les produits du quotidien. Donc, quand on mélange de l'eau, de la farine, de la levure, du sel, en fait, on a une réaction chimique qui donne le pain. Donc, le pain, il est d'origine naturelle. On considère un peu comme ça pourrait être pour une origine géographique. On peut soit être d'un pays, soit, si c'est nos parents, on est originaire de ce pays. Donc, voilà. Donc, la différence entre naturel et origine naturelle, c'est la transformation. Est-ce qu'on est sur un produit assez brut ou est-ce que c'est sur un produit un petit peu plus transformé? Mais dans les deux cas, c'est pas gênant, c'est très bien les deux. Mais c'est important de faire la différence et de pas faire de raccourcis. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est demandé bah, d'un point de vue étiquetage, etc., de faire attention. Donc les marques, je les invite à faire attention. Et je prends l'exemple, si je reviens à la cosmétique, bah, par exemple, le savon, c'est un produit qui est d'origine naturelle. Le savon ne peut pas être naturel parce qu'on a une réaction pour le mettre en œuvre. Même si à la fin, il est 100% d'origine naturelle, le savon, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc forcément, il y a eu une petite réaction pour l'obtenir. Super intéressant et j'avais pas conscience de la nuance. Est-ce que du coup, une huile végétale va être un produit naturel ou il y a quand même transformation ? Alors, bonne question. L'huile végétale va rester naturelle parce qu'on est sur une pression. En fait, on est sur une transformation uniquement mécanique, on n'est pas sur une transformation chimique. D'accord. On nous commente que c'est clair. Donc, bien joué. Bien. Merci. Est-ce que tu as une autre information comme ça, peut-être, qui peut parler aux consommateurs ? On peut ajouter la différence avec le bio. Alors, le biologique en cosmétique, on va d'abord revenir au biologique en alimentaire pour bien comprendre. Quand vous achetez des carottes standards ou des carottes bio, la différence, c'est que les carottes bio, elles ont été cultivées selon les règles de l'agriculture biologique. Et en fait, en cosmétique, c'est la même chose. Quand on parle de cosmétique bio, c'est qu'on a utilisé des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc, on peut avoir un cosmétique d'origine naturelle qui n'est pas bio parce qu'on a utilisé une huile qui n'est pas issue de l'agriculture biologique. Et dans l'autre cas, si on a un cosmétique bio, c'est qu'on utilise des produits comme des huiles issues de l'agriculture biologique. Donc en fait, on peut être naturel mais pas bio. Et par contre, le bio est bien naturel. Ce qu'il faut par contre prendre en considération, c'est que si c'est issu de l'agriculture, tout ce qui n'est pas issu de l'agriculture n'est pas concerné. Ça veut dire que l'eau n'est pas bio. L'eau, c'est pas issu de l'agriculture, ça se cultive pas. Donc, on est un petit peu embêté dans les cosmétiques. En fait, tout le cosmétique ne peut pas être bio. Il peut y avoir uniquement les ingrédients qui sont concernés. Donc, typiquement, les huiles végétales, les poudres de plantes, ça peut être les eaux florales, les choses comme ça. Génial, ouais. Très intéressant. Une dernière information à nous partager ? On en avait parlé en off, c'est sur les tests sur animaux. Est-ce que tu veux que je développe ça ? Carrément. Alors, il faut savoir que les tests sur animaux, c'est quelque chose qui est souvent revendiqué par les marques, mais en fait, les tests sur animaux sont de toute manière interdits en Europe. C'est-à-dire que le règlement européen, depuis 2009, et c'est appliqué depuis 2013, il interdit tout test sur animaux sur les produits cosmétiques européens et également sur les ingrédients des produits cosmétiques. Donc en fait, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que aucun produit sur le sol européen ne teste ses produits sur animaux. C'est une super bonne nouvelle, mais au final, beaucoup de marques continuent encore et encore et encore à jouer sur ça pour pouvoir faire vendre aux consommateurs et continuer à semer le doute sur le fait que certaines marques testent et certaines marques ne testent pas. Et en fait, la réglementation, pour des raisons éthiques qu'on comprend très bien, demande de ne pas revendiquer la simple application de la loi. C'est-à-dire que si c'est interdit, on ne va pas le revendiquer. Si demain, tout le monde commence à dire... Nos produits ne sont pas fabriqués par des enfants de 8 ans la nuit dans des mines. Bon ben voilà, ça va faire bizarre. On commence pas tous à revendiquer ce qui est juste normal, ce qui est juste l'application de la loi. Donc en soi, les marques qui respectent la réglementation, ça veut dire qu'elles ne testent pas sur animaux, c'est normal, c'est obligatoire, et qu'elles n'en parlent pas puisque c'est l'application de la loi. Mais en fait, certains contournent cette loi pour se vendre un peu auprès des consommateurs et donc ils utilisent l'allégation non testée sur animaux ou ils en parlent autour de ça pour jouer sur la peur du consommateur, jouer sur l'affectif du consommateur et faire vendre. Mais en soi, tous les produits sur le sol français, tous les produits sur le sol européen sont à égalité sur ce point de vue-là. Mais c'est légal alors de dire, de revendiquer. Là, en l'occurrence, c'est pas légal de l'écrire. Par exactement, exemple. C'est interdit d'écrire non testé sur animaux. Par contre, on a le droit d'écrire. Ah bah, c'est un peu pareil, cruelty free par exemple. Alors, c'est là où on peut un tout petit peu contourner, mais c'est via les labels en fait. C'est-à-dire qu'il y a des labels qui incluent non testé sur animaux, mais on l'a compris, c'est normal, et qui incluent d'autres choses, de protection des animaux, vegan, c'est encore autre chose. Vegan, c'est qu'il n'y a pas de composé d'origine animale dans le produit. Donc en fait, il y a des labels qui incluent un peu plus, et du coup... si tu adhères à ces labels-là, bah, par exemple, tu peux avoir le petit logo. Je ne sais pas si vous avez en tête le petit logo avec le lapin. Donc, en soi, s'il n'y a pas de label derrière un peu plus gros que ça pour justifier d'avoir ces allégations-là, bah, sinon, juste de dire cruelty free ou juste non testé sur animaux, ça, c'est juste normal et donc, il n'y a pas le droit de le revendiquer. Un point aussi que j'entends parfois au niveau de la communication par rapport à ce sujet, c'est qu'il y a des marchés qui peuvent, eux, tester sur les animaux, puisque là, tu parles de l'Union européenne, et du coup, il y a des marchés où on n'a pas les mêmes interdictions. Et donc, les marques françaises, par exemple, qui indiquent, qui précisent que ce n'est non testé sur les animaux, sous-entendent qu'elles ne vendent pas non plus à des marchés qui vont tester sur les animaux. C'était vrai il y a quelques années, notamment avec le marché de la Chine, parce qu'il y a quelques années, c'était l'inverse, où la Chine obligeait à tester sur animaux pour pouvoir commercialiser en Chine. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, aujourd'hui, on n'a plus aucun pays qui oblige. Donc, ça veut dire qu'une marque qui ne veut pas tester sur animaux, elle peut à 100%. Aucun pays ne l'oblige, mais tous les pays ne l'interdisent pas. Dans les pays qui l'interdisent, donc on a l'Europe, on a le Canada, on en a quelques-uns comme ça qui interdisent comme nous. Et après, dans d'autres pays, il n'y a pas de réglementation. Typiquement, en Chine, vous pouvez continuer à le faire, vous pouvez ne pas le faire. Maintenant, il n'y a plus d'obligation. Mais du coup, on comprend bien qu'une marque qui est française ou européenne, de toute façon, sur son territoire à elle, c'est interdit. Si en plus, maintenant, il n'y a plus d'obligation de le faire ailleurs, pourquoi elle irait dépenser pour faire des tests non demandés qui, en plus, ont mauvaise presse? Enfin, vraiment, maintenant, il n'y a vraiment plus du tout de raison. D'accord. C'est très intéressant. Je rebondis encore par rapport à une autre info que j'avais vue d'une marque qui avait aussi ces revendications-là. C'était le fait qu'au niveau de la loi européenne, on n'a pas interdiction de tester les produits sur si je ne me trompe pas, des œufs, des fœtus de poules, tu vois. Et que du coup, ça, c'était la marque pouvait décider de, pour le contour des yeux, par exemple, de ne pas le faire. Est-ce que là, ça te parle ou peut-être que je suis sur Alors, quelque chose de... J'ai pas l'info sur les œufs de poule, mais par contre, tu parles de contour des yeux, c'est peut-être à ça que tu fais référence. Il y a un test qui est demandé, qui est un test d'irritation oculaire et qui généralement est fait sur des reproductions de cornées de lapins. Donc en fait, ça veut dire que reproduction de cornée, ça veut dire que au tout départ, il y avait un lapin dont on a pris la cornée et que cette cornée, elle a été reproduite plein de fois. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur du lapin, on est sur une reproduction. Et donc ça, c'est pas considéré comme un test sur animaux, mais c'est là où certains labels ou même certaines marques vont décider de ne pas utiliser ça parce que là, tu vois, c'est là où il peut y avoir des choses en plus de fait. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est voilà, dans ces labels-là, il peut y avoir des suppléments à juste pas tester sur animaux qui sont propres à ça. Mais il faut savoir que ces marques-là, dans ce cas-là, pour tester sur les cornées, eh ben, elles utilisent des cornées humaines. Donc, on ne prend pas les cornées de lapin, on prend des cornées humaines. Donc, on teste pas sur animaux, on teste sur hommes. Ça, c'est un autre débat. Faut voir si c'est bien ou pas. Il y en a qui diront que les hommes ont choisi les lapins, non. Mais en soi, c'est, je sais pas si c'est beaucoup mieux de faire ça. Sachant que là, à nouveau, on est sur une reproduction, on n'est pas sur l'animal originel, heureusement. Donc voilà, mais c'est des questions qui sont pas si simples, en fait. Il n'y a pas une seule bonne réponse à trouver, je trouve. Oui, oui. Mais c'est vraiment intéressant. Là, tu nous as donné déjà des bons éléments de réflexion, justement. petite question plus personnelle. Quel est ton produit cosmétique incontournable en ce moment? Alors, moi, là, on est en février, c'est l'hiver. Le produit que j'utilise tout le temps, tous les jours, c'est la crème pour les mains. Alors, je ne fais pas de pub spécifique. En plus, j'ai pas de marque de prédilection. Mais le produit que j'utilise le plus, c'est vraiment la crème pour les mains. J'ai les mains hypersensibles. Pour faire la vaisselle, je mets des gants. Alors qu'en plus, j'utilise des produits clean. Donc, c'est vraiment que j'ai les mains qui s'effleurent très vite. Et ouais, j'en mets tous les matins, tous les soirs, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment d'actualité. Est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter, peut-être que tu, enfin, qui se serait passée en coulisses d'un laboratoire? Oui, bah, je peux raconter des erreurs que j'ai faites moi. j'en avais fait un post d'ailleurs sur les erreurs que j'avais faites sur des étiquettes. Donc c'est rigolo. Dans les erreurs que j'ai pu rencontrer sur les étiquettes, il y a un moment où je sortais, enfin je dis je, mais c'était l'entreprise pour laquelle je travaillais, hein, mais on sortait une gamme de produits avec du coup, je crois que c'était 6 produits en même temps. Et voilà, et on faisait appel à des graphistes pour les visuels, évidemment. Donc moi, j'envoyais un fichier Word avec les informations de mode d'emploi, de composition, etc. Et le graphiste nous les retournait tout bien mis en page. Et en fait, donc on valide tout ça, on commercialise, enfin on imprime, on commercialise. Et en fait, on se rend compte une fois les produits finis qu'il y a eu un mauvais copier-coller de liste d'ingrédients d'un produit à l'autre. On se rend compte qu'il y a un produit qui n'a pas la bonne liste d'ingrédients. Et évidemment, c'était trop tard, quoi. Donc ça, vraiment, c'est un peu la panique. Et en plus, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Mais en fait, comme tu as envoyé la bonne chose, tu te dis pas. En fait, il faut vérifier à chaque étape, plusieurs fois, par plusieurs personnes, tout revérifier. Enfin, donc ça, c'est première bêtise qui a été faite. Après, un autre problème que j'ai pu rencontrer, c'était sur. Toujours sur les étiquettes, où en fait on avait un produit, on n'avait pas de parfum. Et on avait donc souvent c'est les parfums qui amènent des allergènes. Et là, du coup, on n'avait aucun allergène étiquetable à cause du parfum. Donc on avait mis aucun allergène étiquetable parce que c'est ce qu'on nous avait dit. Et en fait, après, il y avait quelqu'un de l'industrie qui était venu nous voir gentiment en nous disant oui, vous n'avez pas d'allergène à cause du parfum, mais vous en avez d'autres à cause d'autres ingrédients. Et donc ça, c'est pareil, bah, c'était un truc où au tout départ, bah, tu sais pas. Et donc, bah, on avait écrit ça, donc c'était une information du coup qui était fausse. Et donc, bah, du coup, ça oblige à refaire les packagings parce que, y a une mauvaise mention dessus. Et une troisième bêtise sur les étiquettes, c'était sur quelque chose qui s'appelle l'infotri. Donc c'est un petit cartouche qui explique comment trier ses déchets. Et donc ça, il y a une taille minimale pour les marques pour mettre l'infoterie selon certaines dimensions. Et donc, bah, à nouveau, moi, le graphiste, alors c'était dans une autre entreprise, donc c'était pas les mêmes. Graphiste, moi, je communique toutes les informations, je donne les tailles, etc. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais il avait diminué la taille par rapport à ce que je lui avais demandé comme instruction parce que ça rentrait pas ou qu'il trouvait pas ça esthétique parce que c'était trop gros, quoi. Et donc, du coup, on a fait tout imprimer comme ça. On envoie ça à des distributeurs et le distributeur a refusé. En disant on a un problème sur tel élément qui n'est pas conforme aux obligations légales de taille, donc on refuse. Et donc là, pareil, donc là on fait quoi? On sort la règle, on regarde, on dit mais ouais, c'est vrai que c'est pas les bonnes dimensions, mince. Et en fait, alors que les consignes étaient claires, quoi. Donc là, on s'en est sorti en faisant imprimer des stickers et en recollant par-dessus. Mais à chaque fois, c'est vraiment chaque erreur peut coûter cher. Et du coup, les leçons à tirer de ça, c'est déjà de toujours bien relire. Plusieurs fois par plusieurs personnes jusqu'à la fin et même la dernière relecture de bien relire parce que entre-temps des mauvais copier-coller ou d'autres intermédiaires peuvent influencer. La deuxième chose c'est que plus tôt on s'en rend compte mieux c'est toujours mieux de s'en rendre compte soi avant que ce soit la répression des fraudes qui vous contrôle et qui vous dise qu'il y a un problème. Donc quand on s'en rend compte soi-même c'est déjà beaucoup moins grave. La troisième leçon c'est que quand on est informé de ces sujets-là, en l'occurrence moi du coup par exemple, le dernier sujet sur la taille, je savais quand on m'a dit il y a un problème, j'ai su de quoi on me parlait. J'ai pas découvert le problème et les obligations de dimension avec le prestataire. Donc cette leçon-là, je dirais, c'est quand vous avez les informations, vous êtes quand même beaucoup plus à même de pas faire les erreurs. Ou alors, s'il y a des erreurs, de tout de suite les comprendre et de tout de suite les corriger. Donc là, la connaissance empêche pas les bêtises, on le voit, mais ça peut vraiment grandement vous aider à les corriger plus vite. Et la dernière leçon, c'était le cas là pour le dernier exemple sur le prestataire, enfin sur le distributeur, c'est que des bêtises, ça peut donner une mauvaise image de marque, et donc il faut faire attention à ça. Et donc là, à nouveau, j'incite les gens à se former, que ce soit auprès de moi, sur Internet, auprès de confrères, de partenaires, etc., de vraiment essayer de monter en compétence parce que c'est votre expertise qui est en jeu, c'est votre légitimité dans le milieu, c'est vos relations avec des partenaires, des clients, etc. Donc vraiment être vigilant sur ça. Après l'erreur est humaine, hein. C'est aussi pour ça que j'en parle pour un peu dédramatiser et dire que bah tout le monde fait des erreurs à un moment donné. Mais le mieux c'est de s'en rendre compte le plus vite possible, de les corriger. Surtout ça c'est hyper important et d'essayer de faire en sorte que ça se reproduise plus évidemment. Et on voit l'importance du détail aussi. Oui, ça c'est clair. Et le diable se loge dans les détails, et c'est vrai parce que tout le reste est conforme, mais s'il y a une non-conformité, c'est l'étiquette entière qui est à revoir, quoi. Donc, des coûts hyper importants, évidemment. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va pouvoir passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Donc, chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs se laissent porter par la voix. Ils imaginent ma belle invitée. L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. On passe donc à cette rubrique dans laquelle c'est vous qui participez. Voici les quatre devinettes aujourd'hui. Quel âge a Cécile? Quel voyage a été le plus marquant pour elle? De quelle saga est-elle fan? Et quelle émission ne rate-t-elle jamais? Laurence nous proposait 35 ans. Ah, c'est moins. Andrea nous proposait 32 ans. La Thaïlande, Harry Potter et TPMP. Alors, il y a une bonne réponse. Sophie nous dit 30 ans. Costa Rica, Twilight et C'est pas sorcier. Non, désolé, désolé Sophie. 32 ans, le Japon, The Crown et The Non, désolé. 30 ans, le Japon à nouveau et Harry Potter. Il y a une bonne réponse. 31 ans pour Astrée, voyage le Brésil et Star Academy. J'ai jamais regardé la Star Academy. Non. Alors j'ai 29 ans, mais je vais avoir 30 ans cette année. Donc, c'était pas loin. Il y a plusieurs personnes qui ont proposé 30 ans. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que ils t'ont plutôt bien cerné à ta façon de parler. Oui. Au niveau du coup de ton voyage le plus marquant. Alors là, les réponses, il n'y en a pas eu qui se rapprochaient. Mon voyage le plus marquant, c'est l'Australie. En fait, j'ai eu la chance pendant mes études de partir 4 mois en Australie pour un stage. C'était à Brisbane, exactement, pour ceux qui connaissent sur la côte est de l'Australie. Et j'avais fait un stage du coup en université en chimie. Donc le but, c'était de reproduire, c'était de synthétiser des protéines qui permettaient de reproduire un élément naturel pour synthétiser des antidépresseurs. En gros, c'était un peu ça le thème. Et du coup, c'était hyper intéressant. Et forcément, bah, l'Australie, c'était trop bien. Du coup, je me rappelle presque. Enfin, aujourd'hui, mes souvenirs sont beaucoup plus liés à tout ce que j'ai fait les week-ends, etc. De voyage, de tout ce que j'ai pu découvrir là-bas, plus que le stage en lui-même, alors que c'était le gros de ma semaine. Mais forcément, on se rappelle de toutes les découvertes. Non, c'était super bien en termes de culture. En termes évidemment de paysages, d'animaux, enfin franchement c'était un super voyage, donc très belle opportunité de partir plusieurs mois là-bas, j'ai adoré. D'animaux et d'insectes. Oui, c'est vrai que là-bas le rapport aux insectes n'est pas le même, et moi j'étais dans une, je logeais dans une famille, et même là-bas c'était normal qu'il y ait des fourmis, qu'il y ait des choses qui se baladent dans la maison, là où nous on est assez habitués européens à pas avoir ça et on n'aime pas ça. Mais oui, ils ont un rapport aux animaux qui est plus ouvert que nous et ça les dérange pas que y ait des animaux qui rentrent chez eux, quoi. Et ils n'ont pas le choix parce que sinon, ils vivraient complètement en bunker. Ouais, exactement. Et du coup, ils apprennent à vivre avec. Ouais. Sûr. Alors, de quelle saga tu es fan? Ah, il y a eu des bonnes réponses là. C'était Harry Potter. Mais oui, fan depuis, bah, je pense comme beaucoup de ma génération, fan depuis toute petite, en primaire, j'avais commencé à lire les livres et j'ai grandi avec les livres et les films. Bah, je les ai lus plusieurs fois, je les ai lus en anglais. Non, je suis vraiment, j'adore cette saga, je trouve que c'est un monde qui est magnifique et non, je suis super fan. Ouais, bah, je suis d'accord, moi aussi, c'est ma saga préférée. Et donc, dès que je vois enfin, si j'ai un objet à choisir et qu'il est sous la licence Harry Potter, forcément, ça va m'attirer plus, quoi. Quelle émission ne rates-tu jamais? Alors, l'émission que je rate jamais, c'est Koh-Lanta. Je suis trop fan de cette émission d'aventurier. Je crois que c'est parce que aussi, je serais incapable de le faire vraiment tellement c'est poussé que du coup, je suis très admirative et que, oui, voilà, vraiment, j'adore regarder parce que je trouve que les gens, aussi bien dans les épreuves que dans le dépassement de soi, dans le fait de, bah, de autant se priver, de d'avoir autant de contraintes, moi, j'ai l'impression que tu mets 3 jours là-bas, il pleut, je suis en dépression, quoi. Je trouve que vraiment c'est hyper dur et je suis hyper admirative. Enfin, vraiment, j'adore suivre les épreuves, j'adore suivre la vie sur le camp. J'aime trop ça, quoi. Et l'aspect stratégique aussi, je trouve ça super cool. Oui, sociologiquement aussi, c'est intéressant de voir comment les gens peuvent se comporter dans ces conditions. Ouais, et en plus je trouve que ça révèle un peu les personnalités. Donc il y a un peu ça aussi. J'ai toujours la curiosité de me dire comment je réagirais moi si j'y allais. Tu vois, est-ce que t'es encore toi-même ou est-ce qu'il y a des aspects de ta personnalité qui ressortent parce que t'es dans des conditions plus drastiques? Et du coup, il y a un peu l'aspect animal qui revient chez certains et c'est intéressant de voir que quand t'as faim, t'as un peu moins. Enfin voilà, ça change un peu les choses, quoi. Donc c'est ouais, comme tu dis, sociologiquement hyper intéressant. Oui, quand les besoins physiologiques sont pas là, c'est vrai qu'on change, hein. Ben, on revient, tu sais, la pyramide de Maslow, là, la base des besoins, ben, c'est exactement ça, quoi. Là, on revient au terre à terre, au concret. Eh bien, c'était vraiment super intéressant. On arrive à la fin de cette émission sur ta formation e-learning pour accompagner les différents professionnels travaillant autour de marques cosmétiques. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Cécile. Ben, un grand merci Alice pour ton invitation. C'était super d'échanger avec toi. Avec plaisir. Chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée. Vous pouvez suivre les aventures de Cécile sur le compte Instagram ABCG Formation, tout attaché. Et pour ma part, vous pouvez vous rendre sur mon blog pour écouter le replay de tous mes podcasts et pour découvrir plus d'infos beauté, c'est beautéimaginée.com. Les podcasts comme celui-ci sont ensuite disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Samsung Podcasts, etc. J'ai une dernière question, Cécile, pour une prochaine interview de Beauté Imaginée. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité? Eh ben, je peux te conseiller Nathalie de Mademoiselle Cosmétique, qui a toujours travaillé dans les produits d'origine naturelle depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui a son laboratoire de développement. Donc je te la conseille. D'accord, très bonne idée. Je vais aller creuser de ce côté-là. En tout cas, au niveau des commentaires, on nous dit c'était intéressant, ça change. Merci beaucoup, très instructif. Eh bien, merci encore, Cécile, et puis à bientôt dans Beauté Imaginée. Merci à tous. Je vois que vous êtes encore là à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette interview. On se donne rendez-vous sur les réseaux, Instagram notamment, pour que je sache ce qui vous plaît. À bientôt sur Beauté Imaginée. Voici Beauté Imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté Imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes, même banales, j'attends pas du phénoménal. Je qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. T'imagines, nos auditeurs devinent si tu chantes, danses ou peins,